Tu fais un vœu, tu rêves souvent de t'envoler. Un vol d'été, une envie de te faire aimer, redescend pour venir enfin me le veux.